Chapitre 6e. Cependant, à mesure que l'instruction de l'affaire avançait, M. le juge Brousseau s'apercevait que plusieurs témoins sur les dépositions desquelles l'accusation était en partie fondée n'étaient plus aussi affirmatifs et variés dans leurs assertions. Ainsi, à part Jeanne Berg, qui était sous les verrous, Jarton le métayer, Savinia l'instituteur, n'affirmait plus, il croyait. De plus, des témoins nouveaux surgissaient de toutes parts, parlant du sombre caractère de Fanny, de son dessein voué de se suicider, de menaces proférées par elle contre ses enfants, qui la réduisaient au désespoir. À la tournure que prenaient les choses, l'instruction s'aperçut que des manœuvres étaient faites, que des influences étaient mises en jeu pour égarer la justice, et crut prudent de ne pas exposer un jury à ces manœuvres et à ces influences locales. Le ministère public demanda donc en conséquence le renvoi de cette affaire devant une autre cour d'assises pour cause de suspicion légitime. Mais cette demande fut rejetée et près d'un an après le crime, le 29 novembre 1850, la cour d'assises de la Charente, présidée par M. le conseiller Fourreau, avait à statuer sur le sort des deux accusés. La longueur de l'instruction, la singularité des faits, les influences d'amitié, de parenté avaient donné à cette affaire un immense retentissement. Elle avait partagé la ville en deux camps bien tranchés, l'un exaspéré contre les accusés, l'autre leur accordant toutes les sympathies. Madame du Sablon, surtout, avait ses partisans, qui, proclamant bien haut son innocence, en faisaient une martyre et n'étaient pas loin de taxer les magistrats de cruauté à son égard. On a vu plus haut quelle complaisance, au contraire, le procureur de la République avait eu pour elle, et nous, qui témoins oculaires, avons eu plusieurs fois l'occasion de voir les accusés dans leur prison, pouvant déclarer qu'ils y avaient été traités avec tous les ménagements que comportait leur position. Une foule immense encombrait la place du Mûrier, aux abords du palais de justice. La maison d'arrêt départementale était alors située au vieux château et très éloignée du palais. Les deux accusés eurent à traverser à pied une grande partie de la ville, et cette promenade fut le sujet de manifestations de la part des deux parties et aussi regrettables les uns que les autres. Tandis que Madame du Sablon, pâle, amaigrie, vêtue de noir, drapée dans un long camail de satin, marche lentement au bras de son mari Gotland, en habit bourgeois, vêtue de noir aussi, mais avec beaucoup de coquetterie, s'en va, la tête haute, souriant aux encouragements, haussant les épaules aux injures. Cette exhibition théâtrale, cette promenade maladroite, eut les plus fâcheuses conséquences, et sans l'attrait qui les attire au palais, où les débats vont s'ouvrir, il serait presque à craindre que les deux parties, amis et ennemis des accusés, n'en vinssent aux mains au milieu de la rue. Enfin, la séance est ouverte. Monsieur le président Fourreau est assisté de Monsieur Maréchal, vice-président du tribunal d'Angoulême, et Devard, juge. Monsieur le procureur de la République, Bardi de Lille, occupe le siège du ministère public. Maître Aurélien de Cesse du barreau de Bordeaux, représentant du peuple, et Théodore Gourgeon du barreau d'Angoulême sont assis au banc de la défense. Lecture est donnée de l'acte d'accusation. Ce document expose avec précision les faits que nous venons de raconter et en tire une conclusion que, malgré les assertions de plusieurs témoins, Fanny de Guizal n'a pu se donner volontairement la mort et que cette mort, tout l'impute à ceux qui avaient un intérêt direct, à ceux qu'elle débarrassait d'une confidente redoutable. L'abbé Laurent Gotland et Madame du Sablon, complices de ses désordres et de son crime. On procède à l'interrogatoire de Gotland. Pourquoi êtes-vous sorti de ce mur après 15 mois de vicariat? Monsieur le curé de ce mur avait un beau-frère qui fit faillite. Il en résulta une défaveur sur lui. Les paroissiens ne voulaient plus avoir affaire qu'au vicaire. Le curé, jaloux de ma popularité, demanda mon changement. Pourquoi avez-vous été renvoyé de Charolles? Nous étions deux vicaires qui y prenions pension chez monsieur le curé. Il voulut nous faire payer 800 francs. C'était trop pour moi. Je refusais. Il en fut très mécontent. Survint un autre motif. Monsieur le curé de Charolles avait un neveu qui avait été chassé du séminaire pour cause d'immoralité. Il vint demeurer à la cure, ou plus libre encore, il continua de tenir une mauvaise conduite. Un jour, le vicaire, mon collègue, le surprit, se permettant de coupable familiarité avec une jeune fille. Il s'en plaignit à son oncle, qui, soutenant son neveu, écrivit une lettre à l'évêque pour se plaindre de l'abbé Barret et de moi. De notre côté, nous demandâmes à Monseigneur de quitter Charolles, et à 3 mois de là, nous en reçûmes l'autorisation de l'évêché. ne serait-ce pas plutôt à la suite de vos relations avec Madame Allier ? Monsieur le curé de Charolles m'avait lui-même présenté chez les dames Allier. Ma sortie de la cure n'a pas d'autre motif que celui que je viens d'alléguer. Monsieur le Président donne lecture de la déposition sur commission rogatoire faite à ce sujet par Monsieur le curé de Charolles et dans laquelle cet ecclésiastique signale les relations existant entre Madame Allier et Gotland. On questionne ensuite l'accusé sur les lettres qu'il écrivait à Madame Allier. Gotland répond que Madame Allier était en correspondance avec lui comme avec 15 ou 20 autres prêtres. Monsieur le Président, comment avez-vous osé écrire cette phrase « Si cela continue, je fiche la clé sous la porte ?» C'est vrai, j'écris cela. C'était à une femme que je connaissais bien, à une femme pieuse. Je savais que ma lettre serait montrée à un ecclésiastique respectable. C'était pour l'égayer un peu. Et cette défense que vous faisiez à Madame Allier d'embrasser un homme. Madame Allier était veuve, recherchée par un monsieur qui voulait l'épouser, et qui ne lui convenait, à mon avis, sous aucun rapport. C'est à cette personne que je faisais allusion. Au reste, quand je suis arrivé à Charolles, cette dame avait 48 ans, et il y avait 5 ans de cela. Étiez-vous content de la veuve de Guizal ? Jamais je n'en étais content. Gotland raconte une querelle qu'il aurait eue avec Fanny parce qu'en rentrant tard, il l'avait forcée de l'attendre jusqu'à une heure assez avancée. Monsieur le procureur de la République, et c'est après cette scène que vous lui remettez une lettre dans laquelle vous témoignez toute votre satisfaction de ses services en annonçant que vous augmentez ses gages ? Cette lettre était une sorte d'ironie. Fanny me demandait de l'écrire, elle l'a presque dictée. Mon Dieu, j'écris cela comme font les maîtres, qui en congédiant leur serviteur, lui donnent un bon certificat, quitte à celui qui, plus tard, voudrait le prendre à son service, à venir se renseigner verbalement. Monsieur le procureur de la République, croyez-vous que ce soit bien convenable pour un prêtre d'écrire ainsi le contraire de sa pensée ? Maître Gorgeon, peut-être serait-ce de la charité chrétienne ? Monsieur le Président, oui, si 3 jours après le curé n'eût écrit à Marie Rocaille tout ce qu'il pensait de défavorable sur sa servante, et n'eût manifesté l'intention de la renvoyer. Que savez-vous de la mort de Fanny de Guizal ? Personnellement, peu de choses, ce n'est pas moi qui l'ai soignée. Cependant, vous avez demandé pour elle un médicament à Monsieur du Sablon. Oui, vers le soir, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup souffert. Elle me pria de lui procurer quelque chose qui pût lui apporter un peu de repos. Je me rendis auprès de Monsieur du Sablon, qui me remit pour elle une boisson dans laquelle entraient quelques gouttes de laudanum. Combien de gouttes ? Je ne me rappelle pas. De 12 à 18 gouttes, je crois. Dans votre interrogatoire, vous avez dit 25 gouttes. Comment ont-elles été employées ? En boisson, je crois. Maître Gorgeon. Dans son interrogatoire, l'accusé a dit que ce laudanum avait été donné pour des lavements. Monsieur le Président fait répéter plusieurs fois à Gotland que ce n'est pas lui qui a soigné Fanny, et alors il lui demande comment il se fait qu'un témoin ait déclaré l'avoir vu donner à la malade un verre de vin blanc. Gotland. Je voyais que sa maladie devenait grave. Je crus le moment venu de la prévenir de se mettre en règle avec sa conscience. Comme je la connaissais peu disposée, je ne savais comment m'y prendre. Je me rappelais qu'elle aimait le vin blanc, et comme elle se plaignait d'avoir la bouche amère, je lui offris de prendre un verre de vin blanc que je préparais avec 3 morceaux de sucre. Était-ce bien du sucre en morceaux ? Le témoin a dit que c'était une poudre blanche. J'ai pris les morceaux de sucre avec les doigts. Du reste, elle n'a pas voulu en boire, et comme je lui parlais de se mettre en règle avec sa conscience, « Si vous n'avez que cela à me dire, » m'a-t-elle répondu, « vous pouvez me laisser tranquille. » Et du geste, elle repoussa le verre. Comment, durant cette agonie de votre servante, n'avez-vous pas fait prévenir sa famille ? Dès le mardi, je le lui ai proposé, elle a refusé par 2 fois. Est-ce devant témoin que vous avez proposé cela ? Je ne me le rappelle pas. Interrogé sur les trous par lesquels Fanny disait l'avoir vu avec Madame du Sablon, Gotland prétend que pour la première fois, il a entendu parler de ce fait dans l'instruction. C'est, dit-il, le petit de Monsieur du Sablon qui a fait ses trous en jouant dans le grenier, et Monsieur le procureur de la République qui les a agrandis avec sa canne. D'ailleurs, le lit de l'alcôve n'a été mis là qu'après la mort de Fanny. Pourquoi parliez-vous à Edmond de Guizal de la fin exemplaire de sa mère, puisque vous dites aujourd'hui qu'elle a refusé les sacrements ? C'était par charité chrétienne. L'interrogatoire de Gotland, que nous n'avons fait que résumer, avait occupé toute une audience. La suite de l'affaire est renvoyée au lendemain. On reconduit les accusés à la prison, et cette fois, le public ne se contente pas de les insulter. on en vient au bois de fête. Des pierres et de la boue sont jetées au curé, que ses partisans, en plus petit nombre, ne peuvent soutenir. L'intervention de la troupe devient nécessaire.